Rien, non rien ne peut t'éloigner de mes yeux. Ici ou là-bas, je te garderai. Et si ton cœur s'emballe, je le calmerai. Rien, non rien ne va t'éloigner de mes bras. Même si tout s'en va tout autour de moi, je te laisse mon cœur dans le creux de la main. Et si on me donnait le monde entier, je te l'offrirais dans la seconde. N'importe où j'irai te chercher. Je veux t'aimer comme dans les films, qu'on s'aime même quand le temps défile. Peu importe l'heure ou la ville, je veux t'aimer. Je veux t'aimer comme dans les films, qu'on s'aime même quand le temps défile. Peu importe l'heure ou la ville, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Viens, viens près de moi, t'évader dans mes bras. Et j'ai beau chercher, je ne sais comment faire. Comment être moi si je dois vivre sans toi? Tu as tout effacé, ouais. Même les pires blessures du passé. De l'amour j'en ai assez pour prendre ton cœur et le faire valser. Toi tu as tout effacé, ouais. Même les pires blessures du passé. De l'amour j'en ai assez pour prendre ton cœur et le faire valser. Et si on me donnait le monde entier, je te l'offrirais dans la seconde. N'importe où j'irai te chercher. Je veux t'aimer comme dans les films, qu'on s'aime même quand le temps défile. Peu importe l'heure ou la ville, je veux t'aimer. Je veux t'aimer comme dans les films, qu'on s'aime même quand le temps défile. Peu importe l'heure ou la ville, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Je rêve de toi d'un amour honnête. Je ne veux plus d'un amour éternel. Tu m'as donné le statut paternel. En quelques mots, tu m'as fait renaître. Embrasse-moi, suis-moi jusqu'au ciel. J'aime tout de toi, des pieds jusqu'au cils. Tu m'as donné une vie, je te donne la mienne. Je comprends les gens qui me disent t'as de la veine.